Chapitre 109. La recommandation de manger avec trois doigts et de les lécher avant de les essuyer, de lécher le plat, de ramasser la bouchée qui est tombée et de la manger. 748. D'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: lorsque l'un d'entre vous a fini de manger, qu'il ne s'essuie pas les doigts avant de les avoir léchés ou fait lécher par quelqu'un d'autre. Al-Bukhari et Muslim. 749. Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, rapporte avoir vu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, manger avec trois doigts, le pouce, l'index et le majeur, puis les lécher après avoir terminé. Muslim. 750. Selon Jabir, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ordonna de se lécher les doigts et de racler le plat, en disant: vous ne savez pas dans quelle partie du plat se trouve la bénédiction. Muslim. 751. D'après Jabir, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque l'un d'entre vous fait tomber une bouchée, qu'il la ramasse, la nettoie et la mange afin de ne pas la laisser à Satan. Et qu'il ne s'essuie pas les mains avec une serviette avant de s'être léché les doigts, car il ne sait pas dans quelle partie du plat se trouve la bénédiction. Muslim. 752. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Satan assiste à tout ce que vous faites, y compris à votre repas. Aussi, lorsque l'un d'entre vous fait tomber une bouchée, qu'il la ramasse, la nettoie et la mange, afin de ne pas la laisser à Satan. Puis lorsqu'il a fini de manger, qu'il lèche ses doigts, car il ne sait pas dans quelle partie du plat se trouve la bénédiction. Muslim. 753. D'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, après avoir mangé, léchait ses trois doigts, le majeur, l'index, puis le pouce, puis disait: lorsque l'un d'entre vous fait tomber une bouchée, qu'il la ramasse, la nettoie et la mange, afin de ne pas la laisser à Satan. Il ordonnait également de racler le plat, en disant: vous ne savez pas dans quelle partie de votre repas se trouve la bénédiction. Muslim. 754. Saïd ibn al-Harith rapporte qu'il a interrogé Jabir, radiallahu anhu, au sujet de l'obligation de renouveler les ablutions après avoir mangé quelque chose de cuit au feu. Il répondit: ce n'est pas obligatoire. D'ailleurs, nous disposions rarement de ce genre de nourriture au temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais quand c'était le cas, nous n'avions d'autres serviettes que la paume de nos mains, nos avant-bras ou nos pieds. Puis nous nous levions pour accomplir la salat sans refaire les ablutions. Al-Bukhari.